braquer, dealer sans regretter. En réalité, y'a pas de moralité, la brutalité n'est que banalité. Dans ma communauté rejetée, violentée, insultée, notée. Trop on sautait, trop sont dégoûtés. Écoutez les quartiers éclatés, écoutez les quartiers chanter, mais évitez les quartiers gantés. Rien que ça part en couille, en plus sur en brut, c'est où je mets trop de douille. Avec cassette à ta fouille, et leur maudite patrouille, t'aimes pas nos gueules de crouille. Ah ouais. Ça part en couille, en plus sur en brut, c'est où je mets trop de douille. Avec cassette à ta fouille, et leur maudite patrouille, t'aimes pas nos gueules de crew. Ouais, ouais. Petit peu, on fait ce qu'on peut parce qu'on veut, ça vend du shit, de la peur, forcer de se contenter de peu en banlieue. Mon vieux, souvent c'est dangereux, le bis c'est plus que vicieux, ça se carotte pour 20 heures. Paix à ceux qui dans chaque ticket, chaque pouvoir, chaque soir, vivent de sales histoires. Paix aux receux qui ratent aucun parloir. Moindre erreur est fatale, animal. Chacal, l'ambiance est hit.